Après ce qui, insolitement, vient de se passer téléphoniquement, Guy et Sylvain continuent leur mission de reportage du côté d'ailleurs, conformément aux instructions du patron de mardi 8h. Les fenêtres de la chambre des deux amis donnaient directement sur les somptueux jardins du palais. Or, un soir, qui s'était attardé à rêvasser, en goûtant la calme douceur de la nuit printanière, ils surprirent, bien involontairement, une étrange conversation. D'un bosquet tout proche montaient les échos d'un curieux dialogue qu'échangeaient deux personnages dont ils ne pouvaient apercevoir que les ombres vaguement confuses. Et voilà ce qu'ils entendirent. « Approche. Mais je suis déjà à vous toucher. Ça ne fait rien. Approche encore. Je veux bien, mais reculez-vous. Bon, écoute-moi bien. Et tâche de brancher convenablement ton écouteur sur ma longueur d'onde. Une seconde. Un sifflement se fit entendre. Voilà, j'y suis. Bien. Je vais te charger d'une mission de confiance. J'en suis digne. Puis-je en être sûr? À 20 centimètres d'ici, je vous le fais connaître. Qui t'a rendu si vain? La connaissance du moi. Mais la finalité, elle est au bout du compte. Fort bien. Voilà donc de qui il s'agit. Pardon? De quoi il s'agit? C'est un lapsus. Il me semble que vous lapsussez beaucoup ces temps-ci. C'est l'effet du printemps. Vous allez immédiatement et toutes affaires cessantes porter ce pli confidentiel. Oui. Et où ça? Au cercle de la quadrature. Tu sais où c'est? Non. Tu feras comme si tu le savais. Es-tu croyant? Profondément. Alors ça ira. Dieu te guidera, tu n'auras qu'à le suivre. Bien. Il sera fait selon votre volonté. Tu t'arrêteras d'abord à la taverne des ovaires turbulents. Oui. Tu pousses à la porte, tu descendras à 4 marches et tu t'enlèveras. Me relever? Pourquoi? Parce que la 3e marche est pourrie et que tu seras tombé. Bien. Arrivé au cercle, tu demanderas le physionomiste et tu lui demanderas à voir le directeur des jeux. Bien. Il te le montrera et tu le regarderas. Quand tu l'auras assez vu, tu monteras à l'état supérieur et tu auras trouvé le chef croupier. Oui. Tu lui demanderas des nouvelles de sa sœur. Il te répondra qu'elle bat le beurre. Et moi, je lui dirai que quand elle battra là, non, tu lui diras qu'il t'indique le portier. À celui-ci, tu demanderas le plus discrètement possible le chevalier Xintra et de la brioche, à qui est destiné le pli confidentiel que je t'ai remis. Il te répondra qu'il est sorti. Alors je le lui laisserai pour qu'il le lui... À aucun prix! Tu reviendras immédiatement et à toutes jambes. Et tu le remettras toi-même et en main à peu près propre au chevalier de la brioche avec qui j'ai rendez-vous ici même dans 20 minutes. Allez, file! J'y vais! Va, cours, folle et reviens, car de ta diligence dépend de la fortune ou la sombre indigence. Des pas précipités, puis le silence total. Qu'est-ce que ça signifie, murmura Guy à voix basse. Je me le demande, fit Sylvain. Et qu'est-ce que tu réponds? Rien pour l'instant, mais c'est pour le moins bizarre. Faut savoir. Et où s'entend? Hé, hé, oh là, l'homme, hé hey! Ouais, répondit la voix qui venait de donner les ordres. T'as quel sujet? Qu'est-ce que vous foutez là dans l'ombre? Qu'est-ce que vous tramez? Un complot. Quoi? Un complot, que je vous dis. On nous redit un complot. Un complot contre qui? Contre personne. Ah bon, dit Sylvain. J'ai eu chaud, dit Guy. Eh, c'est qu'avec ces gars-là, on ne sait jamais. Et ils allaient redormir. À suivre, avec méfiance et suspicion. C'est vraisemblablement à l'intention de ce qui suit que Victor Hugo a écrit, moitié dans les biographes, moitié dans la légende des siècles, « Ceux qui ont bien mérité de la nation ont droit que dans leur boîte aux lettres, le peuple entier vienne déposer sa carte de visite. » La date du 26 mai est, à autre lieu, une date faste, ou une faste date, comme disent les amateurs de phonétique exotique. Car c'est le 26 mai qu'on célèbre, sur tout le territoire d'autre lieu, y compris les confins, le stage day ou journée de stage. Le stage day est l'occasion de grandes réjouissances populaires et d'imposantes cérémonies officielles qui se déroulent non seulement le 26 mai, mais également, et encore, les 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 et 28 du même mois. En somme, c'est une journée qui dure 9 jours et 9 nuits. Une longue journée, comme on dit, mais bien remplie, car pendant 9 jours et 9 nuits, sans compter les matinées et les soirées, la population de notre lieu s'en donne à cœur joie sans contrainte ni retenue. Bien entendu, la période comprise entre le 21 et 29 est fériée, et par conséquent chômée. Tous les magasins, y compris ceux qui restent ouverts, sont fermés. Les administrations aussi. Seule une permanence fonctionne à l'infirmerie spéciale, mais pour les cas d'extrême urgence seulement. Les habitants d'autres lieux et de tout le territoire, y compris les confins, ont une prédilection marquée pour les jours fériés. Toutes les occasions, comme il a déjà été dit au cours de ce récit, sont bonnes et sont prétextes à détente et à discrétion multiples. Non pas que les gens d'autres lieux soient du genre feignant, leur travail ne les rebute pas, mais, comme ils disent, rien ne sert de scailler le sang. Faut ce qu'il faut, ni trop, ni pas assez. Le juste milieu, quoi. Cet engouement pour les jours fériés est manqué de provoquer il y a quelques années un scandale retentissant dans les sphères gouvernementales. Un conseiller privé de son Excellence Alexandre Lehian avait hypocritement glissé parmi les pièces assignées un décret dans lequel il était spécifié qu'on ne travaillerait plus le lendemain les jours de repos. Ça n'avait l'air de rien comme ça, de premier abord. Mais si on veut se donner la peine de réfléchir une seconde, on se rend compte des conséquences incalculables qui en découlent. Le gouverneur, qui avait déjà signé, réalisa tout à coup l'énormité de la chose et déchira purement et simplement le décret. Le conseiller privé, qui était l'auteur de ce funambulesque projet, s'entendit raconter quelque chose. Pour ne pas alerter inutilement l'opinion publique, Alexandre renonça à le chasser honteusement comme il le méritait et le maintint dans ses fonctions de conseiller privé, mais au titre exceptionnel de conseiller privé de traitement. On avait eu chaud au palais, on avait froid dans le dos, comme aime encore à le dire aujourd'hui son Excellence. Bref, pour revenir à l'Eustache D, c'est une sacrée journée. La liesse est universelle et toute la ville est pavoisée de fond en comble. Partout des drapeaux, des oriflammes, des guirlandes, des lampions. Des fanatiques vont même jusqu'à décorer les murs de leur cave ou de leur saute à mazout. Des balles sont installées à tous les carrefours. Des cortèges, des musiques, des chorales, des groupes, certains folkloriques, d'autres électrogènes, sillonnent les artères principales. On distribue du vin, de la bière et des coups de pied de savate à tous les quadrus. Bref, c'est l'Eustache D. Mais qu'est-ce que l'Eustache D? Car ceux qui ne sont pas au courant sont tout de même pas obligés de savoir de quoi il s'agit. L'Eustache D est le jour anniversaire de la naissance d'un des plus illustres enfants d'autres lieux, David Eustache de Grèce, dont le buste équestre se dresse sur la place du gouvernement devant le palais du gouverneur. Sur le socle, cette simple inscription. À David Eustache de Grèce, doyen des chercheurs d'or, ses concitoyens reconnaissants. Ce buste équestre, soit dit en passant, est un véritable chef-d'œuvre dû au ciseau du célèbre sculpteur Jean-Marie Lacnouf. David Eustache de Grèce y est représenté de dos, le visage dissimulé derrière un gros cacheté en laine du Couban. C'est criant de vérité. Donc, le soir de cette triomphale journée du 26 mai, Guy, Sylvain et Léon la migraine déambulaient par les rues au milieu de la foule et de l'allégresse populaire. Des bandes de jeunes gens, dansant et chantant, les bousculaient bien un peu au passage, mais ils étaient les premiers à rire, car ils étaient d'excellente humeur. « Si on allait prendre un pot, » proposa Léon. « Bonne idée, » approuva Guy. Et tous trois s'installèrent à la terrasse d'un des plus grands cafés de la ville, à l'enseigne du Salsifi philosophe. À suivre, sans peur et sans reproche. Guy-Lanneuf, Sylvain Étiré et Léon la migraine, partageant tous trois l'allégresse populaire qui se manifeste populairement et allègrement à l'occasion de l'Eustache Day, se sont installés à la terrasse du grand café du Salsifi philosophe. Ils commandèrent chacun un cholo, qui est une spécialité exclusive du Salsifi philosophe. C'est quelque chose avec de l'eau. Mais quoi au juste, ça, on n'en sait rien, excepté le patron qui conserve au sujet de sa composition le secret le plus absolu. En tout cas, c'est bon, à condition de mettre beaucoup de sucre pour enlever l'amertume. Une bonne grosse femme, visiblement une campagnarde, un peu perdue et affolée au milieu de tout ce concours de peuple, s'arrêta devant leur table. « Pardon, messieurs, » demanda-t-elle, « pour aller à la gare. » Léon la migraine, très en verve, se leva, souleva son chapeau, déboutonna son pantalon, sortit son bignou et dit « Suivez la flèche. » « Merci beaucoup, » fit la brave femme, qui partit dans la direction indiquée. « Pas tout seul, » dit Sylvain. « Voilà déjà 5 jours que durent les fêtes de l'Eustache Day, et nous ne savons à peu près rien sur l'homme qu'on célèbre en ce moment avec tant de faste et d'éclat. Sylvain a raison, approuva Guy. En tant que reporter, il est indispensable, pour pouvoir en parler dans le journal, que nous connaissions tout au moins dans ses grandes lignes la vie de David Eustache de Grèce. Qu'à cela ne tienne, dit Léon, et il fit signe à un camelot qui criait « Demandez la vie de David Eustache de Grèce, demandez ses aventures, demandez sa biographie souvenir, demandez !» Et il s'approcha de leur table. « La vie de David Eustache de Grèce, messieurs, proposa-t-il ? » « C'est combien ?» demanda Léon. « Je la paye 10 francs. Moi, je vous en offre 5. »« Je ne peux pas, monsieur. C'est 10 francs ou rien du tout. »« Alors, ça sert à rien du tout, » déclara Léon, en s'emparant d'un opuscule. « Comme ça, ça fait un contron, » dit le camelot. Et il s'en alla plus loin, continuer son fructueux négoce. « Voilà, » dit Léon, « je vous en fais cadeau. Vous lirez ça avant de vous endormir et vous comprendrez alors pourquoi. » Le souvenir de Eustache de Grèce, héros national, est fêté à autre lieu avec tant de ferveur et d'enthousiasme. Ils se séparèrent sur ces mots. Léon la migraine fila au club des analystes où une séance d'honneur était donnée à l'occasion de l'Eustache D. Et deux reporters regagnèrent leurs appartements avec la perspective d'une nuit calme. Betsabé le Hyan et son amie Évangeline, dite centre d'accueil, retenus par leurs obligations mondaines, ne pouvant les rejoindre ce soir-là. Ils se couchèrent donc bien sagement, après avoir fait leur toilette nocturne. « Et maintenant, » s'écria Guy, « on va savoir un peu ce que c'est que ce fameux David Eustache de Grèce dont on nous casse les oreilles dans tous les azimuts. Sylvain, fais-moi la lecture. » Sylvain ouvrit l'opuscule et commença. « David Eustache de Grèce, doyen des chercheurs d'or et gloire authentique d'autres lieux, est mort en âge très avancé. » Si ça commence par sa mort, interrompit Guy, ça va être vite fini. Tant pis, vieux, il y a quelques mots au début sur la mort, mais le récit de sa vie suit. Sa vie suit, qu'est-ce que ça veut dire sa vie suit? Ben le récit de sa vie, virgule, suit. Ah, bon, excuse-moi, vas-y, continue. Et Sylvain reprit. Est mort à un âge très avancé, quoique indéterminé, car il ne se rappelait plus lui-même sa date de naissance. Et comme il avait perdu ses papiers, on n'en parlait plus depuis longtemps. Si David Eustache de Grèce eut une existence extraordinaire, sa fin fut en rapport avec sa vie. Pas bête, le gars qui a écrit ça, dit Guy, c'est profond. Ah, si tu m'en tirons tout le temps, je la boucle. Non, ça va, bah, je t'écoute. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Car David Eustache de Grèce est une belle mort, une très belle mort, une mort édifiante. En conséquence, il eut un bel enterrement, un très bel enterrement, et une grandiose cérémonie. Il eut bien entendu des obsèques nationales, et chacun à cette époque se plut à reconnaître que l'État avait bien fait les choses. Il le pouvait d'ailleurs. Car Eustache de Grèce laissait une fortune considérable, une des plus grosses du monde, et en avait légué une bonne partie aux œuvres sociales d'autres lieux. Aussi, conformément aux dernières volontés du défunt, une foule joyeuse officielle, de parents, d'amis, de promeneurs et de touristes suivait le char funèbre dans un euphorique recueillement et une ferveur toute gauloise. Ceux qui ont eu le privilège d'assister à ces funérailles racontent encore avec une émotion contenue et une lueur d'amusement dans les yeux, c'était merveilleux. Des marchands de glace et de limonade allaient et venaient le long du cortège. Un marchand de tapis, ex-fournisseur du Lécujus, réalisait également quelques bonnes affaires. Toutes choses, en somme, qui ne pouvaient que réjouir l'âme du vieux David Eustache de Grèce. Car David Eustache de Grèce était de son vivant un sacré damné joyeux garçon, dont la vie vaut la peine d'être comptée. « Ah, tout de même, on y arrive, » dit Guy, en bâillant. À suivre, euphoriquement et euphoplatement. À propos de la vie de David Eustache de Grèce, vient de lire à Sylvain qui en termine le préambule. Ah, tout de même, on y arrive. Sylvain, sans répondre, enchaîna. En 1850 et quelques, David Eustache de Grèce avait 17 ans, car à cette lointaine époque, il connaissait son âge, n'ayant pas encore égaré ses papiers. Mais par contre, il avait perdu ses parents. Oh, bêtement d'ailleurs, dans la foule, au cours d'on ne sait plus trop quelle manifestation, à la suite de quoi, après déclaration de perte à l'état civil, il eut droit à l'appellation contrôlée d'orphelin provisoire, ce qui n'arrange à rien. Car sans famille, sans argent, sans soutien, sans amis, sans nation, il menait une existence misérable. Il s'exhiba bien pendant quelque temps dans une baraque foraine comme avaleur de viande. Non pas de viande crue, ce qui était bien périmé, mais de viande cuite. Et il ne l'avalait pas non plus par quartier, ce qui parut trop banal aux spectateurs, mais par petits morceaux qu'il coupait avec un couteau très affûté et qu'il introduisait dans sa bouche préalablement garni de pommes frites avec une fourchette. Mais il se lassa vite de ce travail dégradant qui, par ailleurs, ne nourrissait pas tellement son homme. Il recommença à traîner piteusement la savate jusqu'au soir, où, alors qu'il songeait sérieusement à se détruire, un homme masqué par une grosse bonne femme les frappa sur l'épaule. « Jeune homme, lui dit-il, n'êtes-vous pas le fils de Jérémie Lola ?»« Non, répondit David, mais si ça peut vous rendre service, je peux m'enseigner. »« Bien répondu, fiston, tu me plais, t'es mon homme, je t'emmène. »« Où ça ?»« Au Klondike. »« Au Klondike ?»« Ouais, au Klondike, confirma l'homme d'une voix étrangement passionnée. « En ce moment, là-bas, c'est la ruée vers l'or, et j'en veux ma part. Je t'engage en qualité de commode. »« De commode ?»« Ouais, j'ai déjà un secrétaire et deux fauteuils, mais j'ai pas de commode. » Et c'est ainsi que, quelque temps plus tard, David Eustache de Grèce débarquait au Klondike. Le pays était en pleine fièvre, la fièvre de l'or. Une fièvre terrible, inexorable, inhumaine, qui ravageait tout sous son passage. Des luttes à mort, des combats sans merci s'engageaient à chaque seconde pour la possession des placés. Le protecteur de David fut tué net au cours d'un festival de coups de carabine. Il se retrouva une fois de plus à des milliers de kilomètres de chez lui, seul et sans appui, au milieu de l'indifférence et de la sauvagerie générale. Désespéré, il errait lamentablement réduit à faire sécher de la neige pour fumer, lorsque, tout à coup, là, à ses pieds, il aperçut une montre en or, perdue sans doute par quelque ivrogne. Il la ramassa vivement et courut se cacher derrière une haie de steeplechase. Et c'est là que lui vint la fameuse, la géniale idée qui devait décider de sa fantastique réussite et de sa colossale fortune. Il enleva le boîtier, le marcha, le malaxa et réussit, après mille efforts, à le réduire en poudre. En poudre. En poudre d'or. De rechef, il enfouit cette poudre ainsi obtenue dans le sol et se mit à chercher, à triturer, à fouiller. Goguenard, quelques aventuriers attirés par cet insolite remue ménage, firent sec autour de lui et se grossèrent. « Qu'est-ce que tu cherches dans ce maudit terrain ? La lune ? Ton aigle de baptême ? Laisse-le, il est dingue. » Mais soudain, au miracle, David Eustache de Grèce se redressa une poignée de sable dans la main, au milieu de laquelle brillait la poudre de montre en or qu'il avait précédemment enfouie. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre d'or. Plus de 11 684 chercheurs d'or accoururent et l'entourèrent, raves, les yeux égarés, tremblants de convoitise. On essaya de lui voler sa place. Il tint bon. On tenta de l'assassiner, en vain. Un dernier coquin lui trancha la carotide. David la rafistola avec du fil de cuivre. Un autre lui arracha la langue. Il la recolla avec de l'albuplaste. Et finalement, Gerlas, son clan lui fut officiellement attribué. Il eut la paix. Et c'est alors que ce qu'il avait prévu se réalisa. On vint lui faire des offres d'achat pour sa parcelle de terrain. Un gros type un soir va le trouver et tournant autour du pot avec la légèreté d'un bulldozer dans un salon Louis XV. « T'es vendeur, fiston, fait-il »« T'as voir, répondit David, dubitatif. « Combien de temps veux de ta seule prix de recueil ?»« C'est pas, fais une offre. »« $500 ?»« Non. »« $1000 ?»« Non. »« $2000 ?»« Non. »« $3000 ?»« $4000 ?»« Non. » »« À $5000 ?» Ayant l'air de céder à contre-cœur, David vendit aussitôt, prenant le premier bateau en partance, il revint à autre lieu. À suivre, les yeux fermés et les oreilles ouvertes. David Eustache de Grèce, après avoir vendu $5000 son terrain aurifère truqué, revient à autre lieu. Là, il acheta pour $4000 de montres, de bagues, de chaînes et de bracelets en or. Comme il avait fait pour sa première trouvaille, il les réduisit en poudre, en morceaux, en parcelles et repartit pour le Klondike. Là-bas, il refit l'opération du début en enfouissant sa camelote un peu plus loin. Et ce fut le même rush, le même engouement. Cette fois, il vendit $25000. Il repartit pour autre lieu, où il monta un atelier de crassage et au bout de 4 voyages, ne se dérangea même plus. Il envoya des hommes à lui au Klondike, qui ne se donnèrent même pas la peine d'enfouir la marchandise et la balancèrent directement dans les rues des villages. Ce fut fantastique, incroyable, inimaginable, inouï. Comme des damnés, comme des fous, les gens se ruaient en hurlant. On a trouvé des trottoirs orifères, des pavés orifères, il y a de l'or dans les caniveaux, de l'or dans la boue, de l'or partout. David Eustache de Grèce acheta et revendu des régions entières à des chercheurs exaspérés qui tous, sans exception, se suicidèrent, les uns par la suite, les autres par le fer, la corde ou le poison. Et c'est ainsi que sur une malheureuse montre en or, trouvée par hasard au Klondike, David Eustache de Grèce édifia une fortune incalculable. Le récit s'arrêtait là. Sylvain ferma l'opuscule et tous deux songeurs demeurèrent un long moment silencieux. « Tout de même, dit Guy, tout de même. Un rude homme, ce David Eustache de Grèce. Ouais, un sacré damné joyeux garçon. Comme on n'en fait plus. Hein? Peut-être parce qu'on a autre chose à faire. Ou qu'on n'y pense pas. » Et ils se livrèrent au sommeil directement et sans intermédiaire. Vers les 6h30 du matin, des coups discrets furent frappés à la porte de leur chambre. Mais comme ils dormaient à poing fermé sur leurs deux oreilles, ils n'entendirent rien du tout d'abord. Ce n'est qu'au bout d'un moment, les coups frappés devenant plus violents, que, réveillés en sursaut, ils se dressèrent sur leur séance. « Qu'est-ce que c'est ?» bâilla Sylvain, encore plongé dans le cirage de Morphée. « C'est Jonas, votre second valet de chambre. »« On a un second valet de chambre, dit Guy. » Première nouvelle, enfin, du moins qu'il le dit, et que ça doit être vrai. « Alors, Jonas, qu'est-ce que vous voulez ?»« Ben, c'est un monsieur qui vous demande. »« Moi ?»« Oui, monsieur, et monsieur Guy aussi. »« À cette heure-ci ?» Eh oui, monsieur, s'il était venu vous demander 2 heures plus tard, je ne vous aurais pas dérangé maintenant. Et qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur, reprit Sylvain? Je ne sais pas, monsieur, il dit qu'il vient de sa part. De sa part à lui? Je ne crois pas, monsieur. D'après ce qu'il a l'air de laisser entendre, ce serait plutôt de la part de la personne qui l'adresse à vous. Mais qui nous l'envoie? Je ne sais pas, monsieur, il dit qu'il vient de sa part. C'est tout ce que j'ai pu en tirer, mais il m'a donné sa carte. Passez-la sous la porte. Sylvain sauta de son lit, prit la carte et lui à haute voix. « Isidore Salingue, agent de fabrique. »« Connais pas, dit-il. Et toi, Guy ?»« Moi non plus. »« Bon, dites à ce monsieur que nous regrettons, mais qu'il est trop tôt pour que nous le recevions, qu'il repasse plus tard. »« Je m'excuse, monsieur, mais ce monsieur insiste. Et de surcroît, il m'a donné 1000 francs, n'est-ce pas, pour que je l'introduise auprès de vous. Alors, messieurs, si vous ne le recevez pas, il va me prendre le billet, ce qui serait bien regrettable pour moi. Alors, messieurs, si vous consentez, n'est-ce pas, à le recevoir, je vous donnerai 145 francs chacun, ce qui fait que... »« Bon, oui, ça va, coupa Sylvain, maintenant qu'on est réveillé, faites-le entrer votre salingue. » »« Merci beaucoup, messieurs, merci. Je vous remettrai votre commission tout à l'heure, avec votre petit déjeuner. » Par ici, monsieur, si vous voulez bien, vous donnez la peine d'entrer. À suivre, conséquemment et subséquemment. ¶¶